Donc là, c'est tous les reproducteurs. Les reproducteurs, ils sont en box. C'est des étapes à la fin, mais enfin, voilà. On est sûr, pas certains à un moment peut-être, tandis que là, on est certain de tout. Et puis là, le dernier là, qui a reproduction, c'est donc Bebel, l'as des as international sur 3 et 5 ans. Donc Bebel, pourquoi? Ben, c'est d'actualité. Hein. Belmondo, l'as des as, et puis lui, as des as, donc voilà. Et là, je l'ai recouplé sur sa petite fille, qui a fait notamment cette année un premier argenton et puis un premier traignac. Donc voilà, et puis c'est la progéniture partira directement en volière pour garder le sang et puis plus tard remettre incorporé. Hein. Il a fait premier national Winmerk, et ensuite après il a 12 prix dans les internationaux, quoi. 3 et 4 et 5 ans. Voilà. C'est un pigeon qui fait aussi bien la vitesse. Et d'ailleurs, il a commencé par mettre mes lunettes à terre. Et je l'ai attrapé quand il était jeune, je l'ai foutu au concours et le lendemain, il faisait premier prix. Et la semaine d'après, je vois ce pigeon-là qui veut passer entre mes jambes, quoi. Et il se sauve. Et il rentre dans son pigeonnier, je le trouve pas. Il était sur le perché tout en haut. Et je le remets au concours invitation, il fait premier prix. Entre guillemets, on va dire c'est les meilleurs. Allez, on va pas dire c'est les champions, on va dire c'est les meilleurs. Donc là, ils ont terminé les concours, ils ont été raccouplés pour prendre leur pigeonnier de l'année prochaine. Tu vois. Donc là, il y a tout l'équipe là, avec Igor, là, le CIF, que je constate notamment cette année à 22h13 de Marseille. Oui, après, il y a le Barcelone aussi. Et c'est le 11e international de Barcelone. Il s'appelle comment ? Le Barcelone. Le Barcelone. Et donc, après Barcelone, il a refait deux concours de vitesse. Donc, il a fait prix aussi en vitesse. Ouais. Lui, là, c'est un très bon aussi. Hein. Il a trois engagements dans les internationaux, Igor. Il est constaté à 22h13 le soir même de Marseille en plein orage. Et c'est un pigeon qui, écoute, il loupe pas. Enfin, voilà. Hein. Aujourd'hui, quand tu le vois pas arriver tout de suite, tu te demandes, mais c'est un pigeon qui n'a jamais loupé son prix. Quoi. Et il a terminé aussi par la vitesse. C'était mieux, j'ai eu un peu la chance de. Un couple des champions du monde. Un couple d'or, je l'appelle. Qui a donné quand même 5 premiers nationaux. Et puis bon, les deuxièmes, et tu vois, ainsi de suite. Quoi. Donc, et tu sais, quand t'as un couple comme ça, entre guillemets, on va pas dire t'es le roi, mais tu sais, crois-moi que ça fait beaucoup, tu sais. Parce que régulièrement, tu reviens dans tes lignées de pigeons, et régulièrement, c'est les mêmes pigeons qui pointent. J'ai incorporé énormément de pigeons. Incorporé énormément chez les bons, hein, chez des gens qui ont marqué très très fort et tout. Mais tu reviens toujours vers ta vieille origine, tu sais, et en croisement. Et là, sinon, les femelles, en temps de jeu, les femelles sont logées ici, tu vois. Toutes les femelles sont ici, sont jouées sur perchoir et tout. Et puis bon, mais là, enfin, là, tu vois, actuellement, c'est nourri à l'orge, c'est nourri très faible et tout, mais tu sais, les femelles, c'est un peu complexe. De temps en temps, t'en as une qui s'accouple avec une autre, et puis... Mais bon, le pigeon là c'est Josefa, tu vois, comme une bleue de Gascogne, tu vois. Ouais. Et c'est un pigeon bon, jusque 300 km, mais des premiers prix, écoute, on en a fait, en veux-tu, en voilà. Et particularité de ce pigeon là, elle ne s'accouple jamais avec une autre femelle, ni avec un mâle pendant la saison. Ouais. Et quand elle rentre du concours, elle vient à la maison là-bas, chercher. Alors il faut que tu reviennes au pigeonnier avec pour qu'elle rentre, et tout. Tu vois. Ça vient d'un ami portugais, José Abrunoso. Voilà. Tu vois, donc les pigeons sont. J'ai fait des perchoirs, j'avais vu ça chez Émile Bailly, qui est là, un oncle. Tu vois, des chemins de câble. Un bout de bois, t'es tranquille, tu vois, ça. T'es pas obligé de nettoyer tous les jours et tout. Le courrier picaire, bon, c'est pas pour qu'il lise un peu, mais ça va pas, tu retires une page, tu vois, toc, hop, un nettoyage rapide et tout, poubelle. Et voilà. Donc ces pigeons-là, c'est pareil. En période de jeu, Ils sont joués, voilà. Leur casier, perchoir ou ce que tu veux, mais il n'y a pas de présentation de femelle, il n'y a pas de ceci, cela, tu vois. Ils sont. Donc quand ils rentrent, il y a la femelle. Il n'y a pas de femelle. Ouais, même quand ils rentrent. Non. C'est libre. De temps en temps, il arrive qu'il y ait une femelle, tu vois, qui va rentrer là ou quoi que ce soit, ou moi que je vais leur en mettre une des vieilles, tu vois, là, ici et tout. Mais sinon, ils n'ont pas de femelle, ils vont pas être accouplés, rien du tout. Non, bah attends, sinon, tu te retrouves avec combien de jeunes, tu vois pas, si tu accouples tout ça. Mais vieux, au veuvage. Ils ont une femelle au retour. Voilà. Pas le jour même, hein. Parce que, bon, tu comprends, quand t'as fait, c'est comme toi, si tu te mets une épreuve sportive et tout, et puis que tu as la femelle veuve, le soir et puis tout, t'es pas sûr de te faire l'affaire comme il faut, quoi, comme on dit, hein. Donc le lendemain, sur le lendemain, ils l'ont. Et en semaine, bien souvent, comme je fais en Andrezel, tu vois, concours, c'est pas un concours, c'est un entraînement en Andrezel qu'on fait, ils y vont, tout le monde, ils se décrassent, quoi, tu vois, c'est 160 km, et là, les femelles et les mâles sont mélangés, tu vois. Donc là, puis après, ça rentre en allant, je retire, je resépare, et puis voilà, tranquille. Là, c'est toute la jeune génération, comme on dit, c'est l'avenir et tout. À savoir que c'est la première fois que j'ai dégrossi les jeunes aussi bien en concours cette année, tu vois. Donc tous ces pigeons-là ont été au concours. Donc mes jeunes sont logés ici, tu vois, c'est tout. À l'air libre, terminé. J'ai pas de programme, mais cette année, ils ont fait tous les concours jeunes du CNP, tu vois, et les deux concours invitation. Au niveau alimentation et soins? Alimentation, on va dire, je nourris beaucoup mieux les jeunes, tu vois, notamment avec beaucoup d'apport de poids, ainsi de suite et tout. Ils ont soins, bon, mais tu vois, Calibouti, hein. Calibouti aussi parce que c'est à l'air libre, hein. Attention, hein. Faut pas non plus rire et puis dire je mets les caliboutis, je fais rien. Non, non, il n'y aurait pas d'air, ça sentirait vite l'ammoniaque, comme on dit. Oui, les compléments alimentaires, bon, mais des vitamines, ils ont quand même aussi des vitamines pendant la période, les jeunes, tu vois. Une fois que c'est la période de jeu, mes pigeons ont tout ce qu'il faut, tu vois. D'accord. Ouais. Hein? Comme je dis toujours, rien n'est laissé au hasard, tu vois. C'est-à-dire. Ils rentrent, ils vont avoir du super diète, hein, ouais. Ainsi de suite, et tout, de la levure de bière, des tisanes, des ceci, cela et tout. Voilà. Ils sont soignés. Voilà, pendant les concours, attention, tu vois, ça c'est un propre fils de Bébel, tu vois. Il a été au concours ou pas? Non, non, et lui, il a été que pour faire la reproduction. Les particularités, tu vois, ils ont souvent tous une plume blanche à ce niveau-là, ou là à la fin, tu vois. Et signe de famille. Donc quels sont tes critères de sélection un peu? Le panier. Le panier. C'est tout. De faire pris dans les inters? Naturellement. Et avant d'aller aux inters, ils doivent se montrer aussi, tu vois. Donc aussi bien dans les fédéraux, tu vois. Comme tu prends les exemples, tous les pigeons qui ont fait Pau ou Barcelone ou ainsi de suite, ont fait Aurillac, Souillac, ainsi de suite, tu vois. Donc, combien de kilomètres ici? 500, 600, tu vois. Et après, ils sautent dans les inters. Mais ça doit se montrer. Mais après, moi, mes pigeons, ils doivent se montrer aussi bien en vitesse. Il n'y a pas de raison. Pourquoi dire, ouais, c'est des pigeons, ils sont bons qu'à aller au fond, bons qu'à aller au grand fond ou dans les inters. Un pigeon, il doit venir partout. Hein. En vitesse, tu ne vas pas faire les prix de tête peut-être avec, mais ils doivent être là. Ils doivent être marqués des points quand on a besoin, quoi. Et les pigeons qui font toutes les distances. Donc là, tous ces pigeons-là, c'est ceux qui ont participé au championnat du CIF, indirectement, hein, et dans les internationaux, quoi. Hein. Donc au général, je crois que je termine dans les 20 premiers, oui, sur 856 et quelques. Mais tous ces pigeons-là, c'est des pigeons qui sont, tu vois, 11e international Barcelone, 5e national Saint-Vincent. Lui, il est là sur 2 ans à Marseille, à Narbonne aussi, tu vois. C'est tous des pigeons qui sont quand même. Qui ont fait leur preuve, quoi. Ils sont pas là pour rien. Et après Igor, pareil, hein, il a été à ce CIF l'année dernière. Et donc cette année encore, il est à 3 prix. Donc ces pigeons, ils ont fait aussi Aurillac. Ils ont démarré par la vitesse, le demi-fond, Aurillac, Souillac, et puis les internationaux. Ils ont terminé par la vitesse. Fontenay et puis Château d'invitation de la société de Rollo. Donc cette année, tu es champion aussi en vitesse. Oui, je suis champion général toute catégorie au CNP. Donc champion vitesse vieux, champion vitesse yearling, champion demi-fond vieux, champion demi-fond yearling, 460 prix. Je suis troisième au fond, mais il y a deux concours que je n'ai pas fait, puisque, bon, c'est pas là, c'est pas dire que, voilà, on aurait été premier si on les aurait fait, mais mes pigeons étaient partis ailleurs, quoi, donc j'avais mis que des yearlings, et puis il y a deux que j'ai pas fait, et puis en jeune pigeon, troisième du championnat jeune pigeon, en ayant fait tous les concours, bien sûr. Ben, en 2012, premier national Perpignan, tu vois. Après, en 2013, la première nationale, le premier national général Saint-Vincent, deuxième international. Après, ben, tout un tas comment, de pigeons qui ont suivi, quoi. Avec même à Narbonne, et premier à Pau, avec Tatiana, premier national Pau femelle, premier national Villemarque avec le. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, arrête! Tu vois, et puis beaucoup de deuxième prix, ainsi de suite, tu vois, mais bon. Dans les top 100 et tout. Mais je suis pas trop le gars, tu vois, à marquer les trophées, en allant, ça, c'est parti dans le grenier, quoi. En plus, c'était de la poussière, donc je me suis fait engueuler qu'il y avait trop de trucs qui traînaient. Arrête! Et voilà. Et on peut dire que. En règle générale, il y a eu des beaux résultats, quoi. Et le plus beau résultat aussi, il y avait du monde à la maison, c'était le Saint-Vincent 2018, tu vois. Notamment, ben, il y en a quatre qui sont partis à Taïwan, et les pigeons rentrent de Saint-Vincent comme un concours de vitesse. Tu vois, et les gars, ils n'en est pas. D'ailleurs, je fais deuxième national, troisième national, quatrième national, sixième national, neuvième national, ainsi de suite et tout. Là, c'était bon, c'était un beau résultat. Et par contre, tu vois aussi, comme cette année, quand tu vois un pigeon là, comme Igor qui rentre à 22h13, qui fait nouer, hein, j'avais tout fermé et j'entends tu sais, j'entends un pff, et je me retourne, c'était lui qui rentrait, il y avait un orage, il faisait nouer et tout, 22h13. Donc quand tu vois ça, tu vois, c'est comme si tu faisais aussi, tu avais une belle victoire, quoi, tu vois. Quand tu vois un pigeon qui rentre à cette heure-là et puis tout, c'est. Voilà, en gros, tu sais. C'est le Barcelone, et donc le 11e international Barcelone, et puis sa mère, c'est la deuxième constatée à Barcelone ici. Et tu vois, d'entrée, la trappe sans, mais même en main et tout, elle est déjà. Donc, c'est sur ils sont partis sur les œufs, tu vois. Ces œufs-là, ils ont été mis à couver, et puis voilà. Dans ce lot-là, oui, c'est ce que je préfère, quoi, dans ce lot de jeunes-là. Donc ça, c'est une vente pour Pigeon Master. Voilà. Thank you. Rossignol et dis-moi, rossignol et sauvage, rossignol et dis-moi, rossignol et sauvage, dis-nous dont la manière, apprends-nous à parler, apprends-nous la manière, comment l'amour se fait, comment l'amour se fait. Faut jamais rien en dire. Comment l'amour se fait? Faut jamais rien en dire. Faut jamais rien en dire. Ça serait-il qu'en riant, à sa jolie maîtresse, que son cœur aime tant. La belle dans ton jardin, y a des belles pommes brunettes. La belle, dans ton jardin, y a des belles pommes brunettes. Voudrais-tu m'y permettre, oh, d'y porter la main à tes belles pommes brunettes qu'il y a dans ton jardin. Pour toucher à mes pommes, cela m'est impossible. Pour toucher à mes pommes, cela m'est impossible. La lune, elle est bien haute, le soleil est bien loin. Tu garderas la belle, tes pommes dans ton jardin. Et oh, là-bas va-t'en, grand amuseur de filles. Là-bas va-t'en, grand amuseur de filles. Oh, tu as pris mon cœur, à présent tu t'en vas. En passant la rivière, galant, tu périras. Oh oui, j'y périrai, en passant la rivière. Oh oui, j'y périrai, en passant la rivière. Je suis garçon volage, garçon à marier. En passant la rivière, je tâcherai ben m'en retirer. Thank you. being a kookaburra? Been in a kookaburra. Hey, beauty. Hi. Look at you. Beauty. Hi. Look at you. Being a kookaburra. trompite sur une canille, capelane, mais... Et que le ramier est... La tourterelle est... Facien ancora un altro poco che di più su che andava in tapla al da cosa al rappel. Allora un d'uno e l'altro risponde. E allora se rappello di un altro e fu per un meme sun. Lugazzi il fa fa tre cozze e ricomincio. Poi la mesaglia è se... Lo pigvere e fendro la dolorina. E a lugorpe, lugorpe. Mi ha corso del subito, la pelle uviel. Las abellos. El bourdon. No moustique. Pentaro per da me. Lo canaro. Cuckoos lead bohemian lives. They fail as husbands and as wives. Therefore, they cynically disparage everybody else's marriage. Le rossignol de l'Amérique, messager des amours, va t'en dire à ma maîtresse, dans son lit toute seulette, pris son vol au chapeau d'amour s'en va, s'est assis sur la fenêtre chantant une chansonnette. La belle se réveilla, belle, je m'en vais dimanche, je n'emporte rien de toi, donne-moi souvenance pour me souvenir de toi. veux-tu que je te donne? Je t'ai déjà trop donné. Je t'ai donné une rose, la plus belle de mes roses, qu'il y avait sur mon rosier. Rose, ta tant belle rose, tu me l'as bien fait payer, tu me l'as vendu le double, encore une fois le double. La valeur de cent écus. Cent écus n'est pas grand-chose à l'égard de mon honneur. Mon honneur et mon cœur faut-il davantage? Par ma foi, tu n'auras rien. La leçon de chant de l'oiseau. Leçon numéro 1. Apprendre l'alphabet. Alors ça, c'est un extrait de chant d'alouette. L'alouette peut faire jusqu'à entre 300 et 700 notes différentes pour un individu. Et on peut, par exemple, par analogie, dire que on va avoir une succession de 4 notes qui vont former un mot. Et puis une succession de 10 notes va former une phrase. Donc si on imagine une situation assez simple où on va avoir 3 notes différentes, l'alouette, elle peut faire tu ti tou ou bien tu tou ti. Et ça va pas être la même chose. On voit bien qu'il y a une infinité de combinaisons possibles et c'est ça qu'on essaye de caractériser et c'est pas forcément facile. Alors je m'appelle Fanny Ribac. Je suis maître de conférence à l'Université Paris-Sud dans un laboratoire CNRS. Leçon numéro 2. Séduire. Alors on vient d'entendre un chant de canaries, on va dire commun, quoi. Ça lui sert à attirer les femelles et en même temps à repousser les congénères, à tenter de leur dire qu'il faut mieux qu'ils aillent voir un petit peu plus loin. Dans ce chant-là, on a des motifs un peu particuliers qu'on a appelés, nous, les phrases sexy. C'est quelque chose, c'est une trille, ça fait de manière très, très violente, très, très, très sonore. Quand une femelle entend ça, elle va avoir une posture qu'on appelle la posture de sollicitation à l'accouplement. C'est une posture dans laquelle ben, on pourrait dire que l'animal, on dirait, montre ses fesses en quelque sorte. Elle a une exhibition de son cloaque, de la partie arrière, donc, avec une vibration des ailes et elle relève la queue, donc, de façon à. C'est une invite à l'accouplement, tout simplement. Donc les mâles qui arrivent à chanter, parce que c'est difficile à le faire, auront tendance à avoir plus de succès auprès des femelles que les mâles qui n'arrivent pas à faire ces phrases sexy. Je m'appelle Gérard Le Boucher, je travaille au laboratoire d'éthologie et cognition comparée à l'université donc, qui s'appelle maintenant Paris-Ouest Nanterre La Défense. Leçon numéro 3, parader en basse fréquence. L'espèce nord-africaine, boum, boum, boum, et l'espèce asiatique, boum, boum, boum. Une outarde, c'est un gros oiseau qui est à peu près de la taille, je dirais, entre une poule et une dinde. Les mâles réalisent des parades d'appel des femelles. Ils produisent des signaux de très basse fréquence qui se propagent très bien dans l'environnement et sur des très grandes distances. Mais on ne sait pas encore... en tout cas, on ne l'a pas montré que les signaux de booming, ce boom, attiraient spécifiquement les femelles. Ça fait partie de mes objectifs. Leçon numéro 4. Se forger un répertoire. Le troglodyte mignon, c'est un tout petit oiseau assez commun. Il a une petite queue relevée à la perpendiculaire par rapport à son corps. Titi, titi, titi. Titi, tata, titi, titi. Un même troglodyte, en fait, va pouvoir chanter plusieurs chants. Et un autre mâle troglodyte va être aussi capable de chanter 5, 6 ou 7 types de chants. Et si ces mâles sont voisins, sont proches, on remarque qu'ils peuvent partager 3 ou 4 de ces types de chants. Titi, tati, tati. Ça pourrait servir à la cohésion du groupe de chanter, voilà, j'appartiens à ce groupe-là. Ça, c'est ma signature. Tata, tata, tata. On peut faire le parallèle avec des quartiers, avec des dialectes dans le langage humain. Et effectivement, des jeunes qui naissent dans un groupe de voisins, dans un certain quartier, vont apprendre les chants qu'ils entendent de leur père ou de des voisins et ils vont les chanter l'année qui suit et les années qui suivent. Donc je m'appelle Hélène Courvoisier et je suis maître de conférence à l'université Paris 11. Leçon numéro 5, quémander pour manger. Les diamants mandarins, donc ce sont des petits oiseaux, des passereaux. Donc ils vivent en couple monogame, mais c'est des couples qui durent toute la vie. Là, en fait, c'est que le parent est revenu au nid, et donc ça a déclenché des comportements, des cris de quémande pour obtenir de la nourriture. Il appelle son parent et il dit « j'ai faim ». « Donnez-moi, je veux maintenant tout de suite ». Je ne trouve pas que le cri de quémande soit très mélodieux. En général, c'est plus comme un cri de bébé où on a vite envie de le satisfaire pour que ça s'arrête. Alors celui qui a très très faim, qui n'a pas eu de nourriture peut-être depuis plus d'une heure, et ça va être plus ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. On a découvert que chaque petit avait sa propre signature. Les petits restent au nid environ 3 semaines. Et après l'envol, ils sont dépendants encore 2 semaines de leurs parents. C'est-à-dire que les parents continuent à les nourrir hors du nid pendant 2 semaines. Quand les petits ne sont plus au nid, il faut que les parents puissent reconnaître leurs petits au milieu de plein d'autres. C'est important de reconnaître ces jeunes hors du nid et pas nourrir les petits des voisins, puisque ça serait une perte d'énergie. Je m'appelle Florence Levrero, je suis en études postdoctorales à l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne. Leçon numéro 6, combattre le bruit. Les manchots, donc mâles et femelles, on a montré, se reconnaissent par la voix entre partenaires, le partenaire d'un couple. Et pour nous, donc, ça a été vraiment la question, mais comment font-ils dans un tel bruit ? C'est ce qu'on a appelé l'effet cocktail party. Lucien va faire ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin. Alors que Robert va faire ouin ouin ouin ouin. C'est constitué d'une succession de petits cris qui sont émis en séquence. Il y a chaque petite unité, le ouin ou le ouin, est différente et nomme finalement l'individu. Le manchot papou. Il fait ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Dans chacun des ta ta ta, il y a l'information je m'appelle un tel. Alors le macaroni c'est plus roulé, il fait. On répète l'information parce que de temps en temps, au cours de cette répétition, un des r passe. Je m'appelle Thierry Aubin, je suis au CNRS et je travaille dans un laboratoire de l'Université Paris-Sud-Orsay où je dirige une équipe de communication acoustique animale. Leçon numéro 7, décliner son identité. Ça c'est un petit oiseau brésilien assez commun qui s'appelle la paruline. Qu'est-ce qui fait pour une paruline qu'un chant appartient à son espèce ? C'est le fait d'avoir une descente en fréquence régulière avec une certaine pente de fréquence. Ça permet à l'oiseau d'envoyer un message très loin, de dire « je suis une paruline, j'habite ce territoire » et les autres mâles de la forêt savent que ce territoire est occupé, donc ne viennent pas. Leçon numéro 8. Signaler sa position. Le piot, c'est un oiseau qui est exclusivement amazonien. Ahou, ahou, oui, oui, oui. Deux sons dans ce chant. Les sons graves passent les obstacles, voyagent très loin. Mais physiquement, ça c'est une loi physique, qui sont peu localisables. Les sons aigus passent mal les obstacles, mais sont très localisables. Avec les deux, la femelle peut être attirée de loin et trouver le mâle, très précisément sur une branche. Aou, aou, hi, hi, hi. Non, non, ça va pas celui-là. Leçon numéro 9. Imiter pour s'intégrer. Alors, quand on voit des grands nuages dans le ciel, souvent, ce sont des étourneaux qui se rassemblent pour aller dormir à plusieurs centaines ou plusieurs milliers dans les dortoirs. Qui sont appropriés pour accueillir des dizaines, des centaines, des milliers, voire plusieurs millions d'oiseaux. Donc pour une oreille humaine, et vu de l'extérieur, un chorus tel qu'on l'entend dans les dortoirs, ça paraît très chaotique. En fait, c'est un chaos organisé. On peut identifier comme ça au sein d'un même dortoir plusieurs variantes, plusieurs dizaines de variantes du même thème. Dans certaines régions du dortoir, on va entendre des titu. Dans une région du dortoir, donc quelques mètres plus loin, on va entendre titu. Encore quelques mètres plus loin, on va avoir une troisième variante qui va faire titu. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du dortoir, il y a une structuration en petits groupes de populations qui sont des sortes de badges sociaux. Quand un étourneau change de groupe social, pour pouvoir s'intégrer et s'adapter à ce nouveau groupe social, il va se mettre aussi à adapter son chant à ce que les autres partenaires sociaux émettent. Tout au long de leur vie, ils augmentent, ils enrichissent leur répertoire avec de nouveaux types de chants, nouvelles vocalisations. Alors on entend un étourneau qui est capable d'imiter toutes sortes de sons, dont des sons artificiels, et en l'occurrence là c'est une alarme de voiture qui reflète qu'il était localisé autour d'un parking. Alors tous les oiseaux de l'environnement sont bien sûr des cibles privilégiées des imitations des étourneaux. Si on entend une poule en haut d'un arbre, si on entend une chouette en plein jour, on peut se questionner sur est-ce qu'il y a un étourneau dans le coin. Ça, c'est la grenouille. Donc, je suis Laurence Henry, je suis maître de conférence en éthologie et à l'Université de Rennes 1. Je m'appelle Martine Osberger, je dirige le laboratoire d'éthologie animale et humaine qui est situé à l'Université de Rennes 1. Leçon numéro 10, avertir d'un danger. Ça, c'est un signal de jet que le jet émet lorsqu'il est capturé par un prédateur. Tous les cris de détresse ont cette composante dans leur structure. Et donc là, on vient d'entendre, par exemple, les tourneaux, un petit passereau qui a aussi ce signal de détresse à son répertoire. Donc si on ne garde que cette composante, eh bien, le cri conserve une efficacité pour tout le monde. Ces cris, on a pu les utiliser pour donc faire fuir les animaux de certains endroits où leur activité est préjudiciable à l'activité humaine. Quels sont ces endroits ? C'est en agriculture, près des centres d'alimentation pour bétail, où beaucoup d'oiseaux viennent piller, par exemple, les ensilages de maïs. Et peut-être le plus important, sur les aéroports, où on sait que les oiseaux présentent un danger pour les avions. C'est un super, super stimulus, dans le sens où ils marchent vraiment sur beaucoup, beaucoup d'espèces.